penché sur ce grand livre, je bouquinais les fleurs du mal. Autre chose, je ne sais pas, peut-être même le journal. Je la voyais à chaque page, je l'entendais à chaque mot. Elle m'avait mis dans une cage dont elle était tous les barreaux. Je fermais les yeux pour dormir, pour sortir de cette obsession. Mais je retrouvais son sourire, le sommeil fuyait pour de bon. Je regardais par la fenêtre tourner la lumière du phare, mais dans mon corps et dans ma tête, rien ne perçait le brouillard. Je voulais maudire le jour où j'étais venu sur cette île, où j'avais reconnu l'amour dans le regard de cette fille.